Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la Big Blue Machine et le très long règne des conservateurs en Ontario. Chaque fois qu'on a un député qui est élu pour une première fois, chaque fois que nous perdons une comté dans une section, on commence la journée après l'élection de ou regagner cette comté ou de souligner nos capacités de gagner cette comté une autre fois. Gagner une élection, comté par comté, tel semble être le secret pour le publicitaire Norman Atkins, qu'on entend à l'émission Le Point en 1983, et qui a longtemps été associé à ce qu'on a appelé la Big Blue Machine, cette redoutable organisation politique qui a permis au Parti progressiste conservateur de l'Ontario d'être au pouvoir sans interruption de 1943 à 1985, en remportant 12 élections consécutives. Les conservateurs ontariens ont marqué l'histoire politique de leur province. Le très long règne des conservateurs en Ontario constitue en fait l'une des plus longues dynasties politiques de toute l'histoire du pays. George Drew sera le premier au pays à vraiment incarner cette politique hybride, apparemment contradictoire, du progressisme conservateur. La magie conservatrice se poursuit. Pendant les années 50, la province sera entièrement dominée par Leslie Frost, celui qu'on a baptisé Grand-Papa Ontario, ou selon l'épithète de Donald MacDonald, le Grand Tranquillisant. On a souvent dit que si la politique au Québec était une religion, en Ontario, c'était une industrie. Et quand est venu le temps de trouver un successeur à Leslie Frost en 61, le parti s'est tourné vers John Robarts, celui qu'on devait surnommer plus tard le président du conseil d'administration. En 70, c'est William Davis qui prend le flambeau. La transition semble continuer sans anicroche. Davis passera près de la moitié de son long règne de 14 ans en minorité. Ça ne s'était pas vu depuis George Drew. Pourtant, quand Bill Davis quitte la direction du parti en janvier, les sondages accordent 55 % des votes aux conservateurs. C'est sans précédent. On prédit donc à Frank Miller, le nouveau chef du Parti conservateur, une victoire électorale facile. Mais le 2 mai, le soir des élections, le réveil est brutal pour la dynastie conservatrice. Le parti gouvernemental arrive au deuxième rang en termes de vote populaire, derrière les libéraux. Et bien que la carte électorale donne aux conservateurs 4 sièges de plus qu'aux libéraux, ces derniers, appuyés par les néo-démocrates, annoncent qu'ils renverseront le gouvernement Miller à la première occasion. Pour les conservateurs, c'est la fin d'un long voyage. Extrait d'un reportage de Pierre Tanguay, diffusé à l'émission Le Point le 18 juin 1985, le jour où le tout nouvellement élu gouvernement minoritaire conservateur de Frank Miller est renversé au Parlement ontarien. Ce jour-là marque la fin d'un très long règne, 42 ans au pouvoir pour le Parti progressiste conservateur de l'Ontario. Pour nous raconter cette histoire de l'omnipuissante Big Blue Machine en Ontario, l'histoire de ce très long règne politique également des progressistes conservateurs dans cette province, je reçois Xavier Gélina, qui est conservateur en histoire politique au Musée canadien de l'Histoire à Gatineau. Xavier Gélina, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Qu'est-ce que ça représente, cette fameuse Big Blue Machine ontarienne, cette grande machine bleue, là, si on veut traduire en français, mais surtout ce très, très long règne conservateur que va permettre cette machine électorale, 42 ans au pouvoir. Ça représente quoi dans l'histoire politique de l'Ontario et du Canada? Un exploit qu'on aurait peine à rééditer aujourd'hui, et si la formule pouvait se faire, je pense que chacun se l'arracherait en politique. Ça représente la conjonction exceptionnelle des planètes, un alignement des étoiles entre des chefs, oui, des politiques et des organisateurs qui ont eu chacun et chacune un succès pendant 4 décennies sans rival. Ce qui est une des plus longues, je le disais, mais c'est vraiment, quand on regarde tout le pays, c'est une des plus longues dynasties politiques. Quand on s'amuse à chercher les records, le record, c'est l'Alberta. Oui. Le Parti progressiste conservateur qui est resté au pouvoir 45 ans, donc battant de très peu les Ontariens. Mais on disait à la blague dans les grandes années de la Big Blue Machine que le seul vrai rival, c'était le Parti communiste de l'Albanie. Mais c'est tout dire. En Albanie, il n'y avait pas les objections, les problèmes qui s'appellent élections. Ouais. Alors, c'est une recette. C'est une recette qui rassemble des hommes qui attirent les électeurs. Le choix des chefs va être important, oui, dans le succès de cette machine électorale. Les hommes de l'ombre aussi, on va y revenir. Une manière de faire de la politique aussi, Xavier Gélina. Oui, une manière consensuelle, puis une manière de se camper au centre droit, centre-centre, parfois centre-gauche, en évoluant avec le courant. Le Parti progressiste conservateur des années de la Big Blue Machine, 1943 à 1985, n'est pas le Parti progressiste conservateur ontarien d'aujourd'hui, ouais, qui a une identité bien marquée et qui est campé à droite. C'est le choix depuis plusieurs chefs depuis environ 30 ans. À l'époque des années 40, 50, jusqu'au milieu 80, c'était vraiment un parti de rassemblement, un parti de consensus qui évoluait lentement mais sûrement au fil des vœux de la société. Ouais. Donc, ils avaient une base conservatrice, mais ils ne se privaient pas du tout d'aller ailleurs. Moins de clientélisme, moins idéologue comme parti. Un exemple qui vous pourrez enchérir, mais qui en dit beaucoup, Bill Davis, qui sera le dernier de ses premiers ministres de ce long règne conservateur, va à peu près chaque année, je pense, présenter un budget déficitaire. Oui, alors c'est quand même un exploit pour un chef de parti qui se nomme conservateur et puis qui faisait des discours en faveur de l'entreprise privée puis d'une saine administration budgétaire, discours en lesquels il croyait sans doute et qui faisait plaisir à sa base. Ben non, il n'a pas équilibré son budget une seule fois en 14 ans et ça ne l'a pas empêché de dormir. Et parmi ces gouvernements conservateurs qui font partie de ce très long règne, des gouvernements qui seront déficitaires dans les budgets qu'ils présenteront, mais qui seront même, pour certains, assez interventionnels. S'il y aura des dépenses publiques. Tout ça pour dire que c'est un conservatisme et qu'il faut vraiment relativiser. Oui, mais projetons-nous aussi à l'époque des 30 Glorieuses. Oui. C'est le nom qu'on a donné aux années environ de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au choc pétrolier de 1973. L'argent rentrait à flot. Les taxes et les impôts pouvaient être relativement modérés. Les coffres du gouvernement étaient pleins et le gouvernement dépensait comme des marins ivres, comme disent les anglophones. Ouais. La croissance démographique était là. L'Ontario est une terre d'immigration et les immigrants arrivaient de partout. La croissance des usines, des industries était très forte, du secteur tertiaire aussi. Et les attentes de la population grandissaient. Ouais. Après la grisaille de la crise, les restrictions de la guerre, on voulait des autoroutes, des écoles, des réfrigérateurs, des services publics, ouais, des universités, des trains de banlieue. Et avec les conservateurs, on a eu tout ça. Ouais. Parler de la guerre qui va suivre cette grande crise des années 30, c'est de fait à ce moment-là, en 43, pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'est élu le premier des premiers ministres de ce long règne conservateur. De quelle façon ça commence? Dans quel contexte est élu ce premier chef conservateur de la dynastie? Ce premier chef, qui s'appelait George Drew, a profité d'une circonstance exceptionnel de division entre le Parti libéral ontarien qui était alors au pouvoir et le Parti CCF, l'ancêtre du NPD, qui montrait des dents et commençait à devenir très populaire. Donc, bénéficiant d'une division de ces votes-là, le Parti conservateur s'est imposé et ça a été un des éléments de la recette magique du colonel pendant 42 ans, faire monter assez le Parti NPD ou CCF de manière à ce que ces alternatives légèrement à gauche du spectre ou au centre s'annulent l'une et l'autre. Ouais, diviser l'opposition. Drew, ouais, en quelques mots, quel genre d'homme il est? Quel genre de premier ministre ce sera? Avant de prendre le pouvoir en Ontario, c'était l'archétype du conservatisme. Très conservateur, très british, héros de la Première Guerre mondiale, homme droit, dur, rigide, intègre. Et en prenant le pouvoir, cependant, il s'est rendu compte que les Ontariens de la fin de la guerre et du début de l'après-guerre voulaient des éléments de ce qu'on a appelé l'État-providence, oui, des mesures sociales. Alors, il a commencé à en accorder. Le budget de la province le permettait amplement. Les principes conservateurs étaient moins à l'aise avec ça, mais Paris vaut bien une messe et l'Ontario vaut bien quelques programmes sociaux. Et il était très populaire. Il est parti en 1948 au sommet de sa popularité, oui, pour tenter sa chance à Ottawa. C'est d'ailleurs, petite parenthèse, un pattern récurrent chez les grands chefs de la Big Blue Machine. Ah bon? Ils sont tous partis à temps, au sommet de leur popularité, sans que personne ne les chasse. Oui. Ils sont partis sans pathos, sans traumatisme, sans crise interne, au moment où ils étaient très hauts dans les sondages. C'est Leslie Frost, Xavier Gillina, qui va succéder à George Drew à la tête des conservateurs ontariens. Il va devenir premier ministre de l'Ontario. Il va être là pour à peu près 10 ans. Quel genre de premier ministre ce sera? Un homme sage, un homme en phase avec son époque. Vous avez l'image de Papa a raison chez les gens qui ont écouté des émissions de télévision qui ont un certain âge. Pensez à Eisenhower aux États-Unis, oui, à De Gaulle, à Adenauer en Allemagne, à Louis Saint-Laurent au Canada. Des hommes vraiment d'un âge certain. Il est parti à 76 ans. et qui inspirait la confiance. Ouais. Des hommes présence sages. Présence rassurante. Oui. On l'appelait l'oncle favori de tout le monde. Ouais. Ou encore grand-papa Ontario, Old Man Ontario. On l'appelait aussi le renard argenté, à la fois par référence à son apparence physique et au fait que sous ses apparences de gentil mononcle, il était évidemment rusé comme un renard. En politique, on ne dure pas aussi longtemps sans avoir un peu de ruse. Et tout doucement, sans brusquer sa base, il a modernisé la province. Si on peut se promener en autoroute sur la 401 et toutes les autoroutes 400, c'est grâce à lui. Encore une fois, aidé par la croissance démographique et économique, les emplois se trouvaient à l'appel. Éducation, santé, des investissements importants aussi du côté de Leslie Frost dans ces secteurs. Même les droits de la personne, il va proposer des mesures assez progressistes de ce côté-là aussi. Oui, mais tout ça, n'est-ce pas, sans trompette, sans tambour, sans proclamation qui divise. Juste quand le fruit est mûr, il le cueillait, il le faisait partager à la population et la population embarquait. Mm-hmm. Il y avait un grand aspect consensuel chez Leslie Frost et chez ses successeurs Robarts et Davis. Ouais. Ne pas précéder, ne pas brusquer la population. L'accompagner et quand le fruit est mûr, procéder. Suivre le courant tout en le commandant doucement. Ouais. Parler de Robarts, il arrive en 61, troisième premier ministre de cette dynastie conservatrice en Ontario, plutôt du côté lui aussi donc des conservateurs progressistes. Robarts, c'est également, puis on va tout de suite l'entendre dans l'extrait qui suit, c'est également quelqu'un, un politicien qui a une vision du pays, un politicien qui a cette envergure nationale, grand défenseur de l'Ontario face au gouvernement fédéral, mais aussi quelqu'un qui s'intéresse de près à l'unité nationale, par exemple. Il arrive en 1960. On l'écoute donc parler justement de la question de l'unité nationale, la question du Québec au sein du Canada, de la Fédération canadienne, à l'émission Aujourd'hui du 12 novembre 1964. Well, I think that there are certain areas where Quebec has different needs, perhaps. Je crois que le Québec a des besoins particuliers dans certains domaines en comparaison avec d'autres provinces du Canada. Si cela nécessite un statut spécial dans la Confédération, je serais prêt à l'accepter. I'd be quite prepared to accept that. I've said on many occasions that I don't think the British North America Act is a rigid document that. J'ai dit à plusieurs reprises que je ne crois pas que l'acte de l'Amérique du Nord britannique est un document rigide qui doit demeurer intact pour l'éternité. S'il faut le changer, je serais heureux de m'asseoir pour en parler, mais de manière prudente, car ces changements auraient des conséquences tant au Québec qu'ailleurs au Canada. Mais s'il faut en discuter, autant bien le faire de manière enthousiaste afin d'avoir un meilleur Canada. Car si la Constitution doit être changée, changeons-la. On est en 1964, je le rappelle, c'est important, lors de cette entrevue. Comment résumer, Xavier Gélinas, la vision politique de John Robarts? Il était à la fois un fier provincialiste ontarien, et ce qui ne nuisait pas, son vis-à-vis fédéral durant plusieurs de ces années-là était un libéral, donc adversaire partisan, Lester Pearson. Mais en même temps, ce n'était pas un provincialiste au sens étroit. Ouais. Il savait que l'Ontario est de très loin le pilier de la Confédération canadienne, de loin la province la plus peuplée, sans doute 40 % de la population, située géographiquement au centre. Donc, pour lui, un premier ministre ontarien a une responsabilité qui dépasse l'entourage de Queen's Park. C'est l'époque où on disait « ce qui est bon pour l'Ontario est bon pour le Canada ». Oui, et puis c'était largement vrai, en fait, sur le plan économique. Et puis l'Ontario pouvait servir d'interlocuteur favori avec le Québec. Il était en bon terme, Robarts, avec Jean Lesage, puis avec Daniel Johnson, qui ont été ses vis-à-vis à Québec à la même époque. Et bien sûr, comme c'était un progressiste conservateur, il avait l'oreille des autres progressistes conservateurs du Canada anglais. Robarts se voyait comme dans un rôle de truchement, de facilitateur. Il a organisé une conférence appelée « Le Canada de demain » en 1967 à Toronto, sans ingérence du gouvernement fédéral, de façon à ce que les premiers ministres provinciaux échangent sur peut-être des solutions d'avenir aux problèmes canadiens qu'il sentait. Et ça, évidemment, Robarts sera peut-être un des premiers à s'investir de ce rôle-là, mais d'autres, et pas que des conservateurs. Je pense à David Peterson, je pense à le libéral, je pense à Bob Rae, le néo-démocrate. Je pense que c'est Peterson qu'on appelait Capitaine Canada, mais cette espèce de rôle central de l'Ontario et du premier ministre de l'Ontario dans la Fédération, Robarts va en être, mais ça le suivra. Et sans oublier Bill Davis, son successeur immédiat, qui a été l'allié indéfectible de de Pierre Trudeau dans les discussions de la Constitution en 80, 81, 82. Adversaire résolu de Trudeau à d'autres aspects, oui. Mais allié, lorsque Trudeau n'avait aucun allié, il y avait Bill Davis. Il passait par Davis. Oui. Parce qu'il faut le rappeler, ces négociations constitutionnelles du début des années 80, à un moment donné, Trudeau est seul avec, de mémoire, deux provinces, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick de Richard Hatfield, de façon ironique, deux progressistes conservateurs. Oui. Mais également deux provinces qui avaient une importante minorité francophone et puis qui sentaient que les deux provinces avaient une espèce de mission particulière d'unité nationale. Ouais. Par ailleurs, puisqu'on parle de Bill Davis, oui, et de la question francophone, il aura des démêlés avec le premier ministre Pierre-Elliott Trudeau à l'époque sur justement la situation des franco-ontariens. Trudeau lui demande, pour écouter un extrait qui en témoigne assez bien de ce bras de fer entre Bill Davis et Pierre-Elliott Trudeau, mais Trudeau veut que l'Ontario devienne une province bilingue, Davis ne veut pas. Écoutez la façon dont Robert Desbiens raconte à l'émission Présent du 13 juin 1984, cette espèce de bras de fer entre les deux hommes. Le gouvernement ontarien, comme on le sait, comme tout le monde le sait, a toujours refusé d'inclure les garanties linguistiques dans la Constitution par crainte d'une réaction d'hostilité de la part de la majorité anglophone. C'est du moins ce qu'a toujours dit Bill Davis. Il préfère étendre graduellement les services en français. Pierre Trudeau répond à cela que Bill Davis sous-estime la tolérance et la compréhension dont les Ontariens sont capables. C'est au nom de l'unité du pays et des droits légitimes des Franco-Ontariens que Pierre Trudeau fait sa demande. La reconnaissance de ces droits, précise-t-il, renforcerait les liens de la nation. M. Trudeau ajoute, et je cite, « Les Franco-Ontariens ne se sentiront jamais les partenaires égaux de leurs concitoyens anglophones. Ils n'auront jamais le sentiment que justice leur a enfin été faite tant que leur existence ne sera pas reconnue dans la Constitution. » Réponse de Bill Davis à la demande de Pierre Trudeau, pas question de changer la politique en vigueur. M. Davis précise que, quand la population ontarienne, de quelque langue qu'elle soit, constate la rancœur et les divisions provoquées par des législations sur la langue dans d'autres provinces, des provinces voisines, elle conclut que la façon d'agir de l'Ontario semble la plus valable dans les circonstances. Que dire, Xavier Gélinas, de ce qu'on vient d'entendre, de la position de Bill Davis sur cette demande de reconnaître aux franco-ontariens, en fait, de faire de l'Ontario une province bilingue? Trudeau lui demande ça, il dit non. Ça nous dit quoi sur l'homme? Ça nous dit quoi sur sa manière de gouverner? C'est extrêmement révélateur, les tout derniers mots de votre extrait sonore semblent la plus valable dans les circonstances. Ça, c'est du vintage Bill Davis. On l'appelait Monsieur Bland, Monsieur Ennuyeux, Monsieur Soporifique, mais c'est tout à fait vrai. C'est un homme graduel, modéré, l'homme des très petits pas. Tu mets sa pipe. Oui, un homme sage, avec un petit sourire bienveillant, qui parlait peu, qui écoutait beaucoup. Donc, semble le plus raisonnable, ouais, dans les circonstances. Pendant ses 14 ans au pouvoir, il a graduellement augmenté les capacités scolaires en français en Ontario, mais toujours en se refusant de proclamer ça de façon là, claire et forte, ouais, et nette. Donc, l'homme de le pragmatique, au fond. Oui, oui, oui, qui était fait, allergique aux grands principes noir et blanc tranchés, ouais, que Pierre Trudeau affectionnait tant. Parce qu'en réalité, sur le plancher des vaches, ou enfin, sur le plancher des écoles, ce que Bill Davis faisait par très petits pas, à chaque année, des écoles françaises ouvraient, la gestion scolaire s'améliorait, le financement des écoles séparées, alias catholiques, a fini par être étendu jusqu'à l'équivalent du secondaire 6 ontarien. Ouais. Donc, les franco-ontariens obtenaient dans les faits, miette par miette, mm-hmm, ce qui était demandé. Oui. Évidemment, la grande victoire viendra quelques années après sous David Peterson avec la loi 8. Oui. Mais alors, sur les services en français. Oui, mais oui. Pierre Trudeau désirait, lui, des actions d'éclat. Oui. On a parlé donc des différents chefs qui vont, parce que Davis, c'est le dernier de cette grande dynastie conservatrice. On a parlé des politiques, la façon de pragmatique, moins idéologue, de faire de la politique dans tous les cas, quand on regarde les mandats de tous ces chefs. Un mot sur cette fameuse machine. On revient à cette Big Blue Machine. Oui. Il y a des hommes de l'ombre qui font que cette machine est redoutable sur le plan politique et électoral. C'est quoi cette machine? Qui sont ces hommes? Ils ont commencé à se rassembler dans les années 1960 et sont demeurés soudés avec quelques arrivées, quelques départs, jusque dans les années 80, et plusieurs ont prolongé leur influence sous les années de Brian Mulroney au fédéral après 1984. Certains noms sont encore connus aujourd'hui. Malheureusement, on ne peut pas la faire biographie détaillée, mais Norm Atkins, dont on a entendu un extrait au début, Hugh Segal, Allen Eagleson, qu'on a connu pour le hockey aussi, John Tory, qui est maire de Toronto aujourd'hui, qui était un jeune homme de l'ombre, Eddie Goodman, l'avocat qui était prêt à tout faire. Un groupe d'Alton Camp, un groupe d'hommes, seulement des hommes, seulement des anglophones, et qui était un peu avocat, un peu relationniste, journaliste, spécialiste en sondage, qui n'ont pas vraiment... Aujourd'hui, tout le marketing politique est une chose bien connue, mais tous ces gens-là avaient 10 ou 15 ans d'avance sur leurs rivaux pour faire de la politique à l'américaine, recourir aux sondages très abondants. Utiliser de manière très commode les ressources gouvernementales. Alors, c'est très pratique en campagne électorale d'écrire à chaque détenteur de permis de conduire parce que le ministère des Transports donne les listes. Alors, ça va bien. Ouais. Très grande capacité aussi à collecter des fonds avant que les dépenses électorales soient, malheureusement pour eux, restreintes. Le règne conservateur, 42 ans de pouvoir, se termine en 1985. Comment ça va se terminer, Xavier Gélinas? C'est pourtant Frank Miller, le nouveau chef conservateur, celui qui succède à Bill Davis. Bill Davis qui est encore assez populaire. Miller, au début de la campagne électorale, je pense, est en avance sur les libéraux et les néo-démocrates. Mais pourtant, ils vont prendre le pouvoir. Ils vont avoir un petit peu plus de sièges, mais ils vont se faire défaire. Vote de confiance, une espèce de pacte entre les libéraux de Peterson et le NPD de Bob Rae. Qu'est-ce qui fait que cette fois-là, c'est fini, que ça s'écroule tout ça? Il y a un élément de la recette magique qui avait duré pendant 43 ans qui a été oublié en 1985 lorsque les conservateurs ontario ont choisi Frank Miller comme nouveau chef. Frank Miller, d'abord, anecdotiquement, ne représentait pas un renouveau ou un rajeunissement parce qu'en termes de personnalité, il était d'un an ou deux plus âgé que Bill Davis. C'est la première fois que ça arrive. Prenait sa retraite. Voilà. Que le nouveau chef, celui qui succède au précédent, soit plus âgé que le précédent. Oui, alors ça a été déjà un facteur négatif, tandis que devant lui, il y avait le libéral David Peterson, jeune et bel homme, Bob Rae, tout à fait jeune, etc., qui représentait un peu le dynamisme. Aussi, l'Ontario changeait graduellement. Tous ces changements démographiques, l'immigration de plus en plus multiculturelle, ce n'était plus l'Ontario tranquille de papa à raison. Donc l'Ontario devenait plus divers, plus varié, à la bonne vieille base conservatrice, se rétrécissait un peu. Et le choix du chef, M. Miller, un homme de qualité, un ancien ministre, lui était campé clairement à droite. Oui. Ce n'était pas du tout un extrémiste ou un radical, mais il ne s'en cachait pas. Il appartenait à l'aile droite du parti, l'aile fiscalement et socialement à droite. Ce qui fait que ce sera la fin de ce très, très long règne. C'était fascinant, cette leçon de politique ontarienne. Xavier Gélinas, conservateur en histoire politique au Musée canadien de l'histoire à Gatineau. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Bien, merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.